L'éditorial commun du journal Laurent Simon et de la revue Closa, sous le titre « La victoire du socialisme coréen est une science », est inséré le 25 mars dans le Laurent Simon. Voici son résumé. La victoire du socialisme coréen est la nécessité de l'histoire, la science et la vérité. La direction du Grand Parti est un facteur décisif de sa victoire. Inébranlable est la conviction du peuple coréen dans la victoire du socialisme à la Corée. Notre armée et notre peuple marcheront vigoureusement sur la voie du socialisme Juche avec la foi invariable selon laquelle le socialisme coréen et sa victoire sont scientifiques.